Tout de suite, sur France Culture, une proposition de Perrine Kervran avec Marie-Vonne Abolivier, LSD, la série documentaire. 55 minutes de radio coups humains, un thème et 4 épisodes, à 17h et à 23h, s'il faut vous le dire deux fois. Cette semaine, Être pauvre, une série de Rémi Dibowski-Douatte réalisée par Véronique Samouilov. Au départ de cette série, il y a le plan pauvreté du gouvernement, retardé et finalement annoncé. Il y a aussi ce fossé qui se creuse entre ceux qui vivent bien et les autres qui se débattent. Il y a la misère de plein fouet et à la vue de tous dans la ville, ces familles qui dorment sous des porches ou ces silhouettes étendues devant des bouches d'aération. Et celle plus invisible de ceux qui n'ont pas droit au moindre imprévu et qui vivent dans l'angoisse du grain de sable qui les mettra au tapis. Et surtout, il y a le mythe cruel de la méritocratie. Alors pour commencer, les personnages. Une riveraine parano, un politologue géographe sur le terrain, un chercheur qui recueille la parole des riches, une adjointe au maire Furax, une population jeune et pauvre, les anciens de Talbot, un ancien Marseillais, ancien militaire, des élèves qui ne connaissaient pas Paris, un prof de philo à Trappes et un vendeur sur le marché qui se débrouille et qui constate. Ensuite, le décor. Les Yvelines, des frontières invisibles, des vases clos, peu de HLM, le RER, l'entre-soi, Fourqueux, Ville d'Avray, Chanteloup-les-Vignes, un centre social qui offre le café, des communes abandonnées, des budgets impossibles, un lycée élitiste, des peurs archaïques, une pauvreté cachée, les derniers de cordée et des tapis. Aujourd'hui, dernier épisode, on arrive en pleine réunion de quartier. Bonsoir. J'habite dans le 16e avec mon épouse. On est rentré en France il y a 4 ans. Je crois que j'ai fait une erreur. Il faut qu'on se mobilise physiquement. Peut-être qu'on doit avoir une action forte, être présent quelque part et montrer qu'il n'y a pas que les énergumènes qui sont dans Notre-Dame-des-Landes qui peuvent faire quelque chose. Je crois qu'il faut qu'on se mobilise. Au mois de mars, ils vont commencer à construire. Ça sera trop tard. S'il faut attendre que ma petite fille, quand elle va aller à la piscine, s'il faut attendre qu'elle soit agressée, moi je ne vais pas attendre ça. Cette scène se déroule en février 2016 à la mairie du 16e arrondissement. La salle des fêtes est archi-comble et la population en grand émoi. On vient d'annoncer la prochaine édification d'un centre d'accueil d'urgence, Allée des Fortifications, en lisière du Bois de Boulogne, dans le très chic arrondissement de la capitale. C'est le début d'un long psychodrame. Des riverains très remontés annoncent qu'il faudra leur passer sur le corps, qu'ils dresseront des barricades s'il le faut, comme à Notre-Dame-des-Landes, quitte à prendre d'assaut la mairie de Paris, pour ramener Anne Hidalgo à la raison. On a le droit de construire dans un site classé à certaines conditions. Heureusement d'ailleurs, parce que 63%... Un peu plus tard, à l'Université Paris-Dauphine, qui accueille une seconde réunion d'information sur le projet, des habitants insultent les architectes présents. On en vient presque aux mains, et le président de l'université, estomaqué, doit faire évacuer la salle. Des pauvres dans le 16e, c'est non. Mais la mairie de Paris reste inflexible, et le centre est bel et bien installé quelques mois plus tard. De quoi on a peur ? Il y a plein d'insécurité dans le 16e, parce qu'ils arrivent par le RER. Ils descendent à Foch et il y a des cambriolages, il y a des casses, il y a des rues dans le 16e où les voitures sont cassées, où les appartements sont cambriolés. La nuit, c'est dramatique. C'est la nuit que ça se passe. Mais qui il ? Les gens, ceux qui habitent en banlieue, il y a des voyous, ils viennent pour casser. Il y a des gens qui habitent là, ils entendent tirer des coups de feu la nuit. C'est la police qui court après les voyous et qui tire en l'air. Mais la réunion de ce soir... Qu'est-ce qu'ils vont faire avec ces gens qu'ils vont mettre là? Vous savez que ça coûte très cher pour se nourrir dans le 16e arrondissement. Ils vont acheter quoi? Ils vont quoi faire? C'est pas possible. Vous avez décidé de frapper le pourquoi sans nous demander notre avis. Vous avez tort. Car c'est une très mauvaise méthode. Aujourd'hui, l'émotion est retombée, mais l'épisode demeure le symbole de la tentation d'une sécession des plus riches. Un phénomène décrit par Jérôme Fourquet, dans une note pour la Fondation Jean Jaurès. Je le retrouve sur place, Allée des Fortifications. Il est politologue, analyste à l'IFOP et géographe. Et c'est le point de départ qu'il a choisi, pour une déambulation dans les Yvelines, le département le plus inégalitaire de France, où certains territoires, très privilégiés, auraient donc fait sécession. Ça va ? Ouais. Bonjour, vous êtes sans problème ? Je suis venu en taxi. Ouais, c'est ce que je me disais. J'ai 19 allées des fortifications. Voilà, voilà. Ça pouvait lui dire quelque chose. Ouais, il m'a dit, ouais, c'est bloqué, en fait, ils ont mis des trucs de migrants ou de je sais pas quoi là. J'ai dit, ouais, c'est bon, c'est là que je vais. C'est bien ça ? C'est ça. Et il s'en souvenait le taxi alors ? Le sou... Bah, apparemment, ouais. Ouais, ouais. Vivre à l'écart des riches. Rémi Dibowski-Douate, Véronique Samouilov. On est ici dans le 16e arrondissement, mais on pourrait aller un peu plus loin vers l'est, même en allant jusqu'à la place de la Concorde, par exemple. Et en partant de ce point jusqu'à la localité de Montainville, on pourrait en prendre d'autres également qui sont situés dans les Yvelines. Donc, pour ceux qui ne connaissent pas, donc à l'ouest de Paris, eh bien, on a un vaste continuum sur plus de 40 km de long qui constitue un espace sociologique très spécifique. Géographiquement, il n'est pas forcément très marqué de prime abord, hein, parce qu'on passe de l'hyperurbain, le cœur de Paris, à des zones beaucoup plus périurbaines, voire rurales et champêtres dans les confins des Yvelines. Mais sociologiquement, il y a un trait commun qui relie toutes ces communes. C'est le fait que, quand on analyse les statistiques du recensement de l'INSEE, le poids des catégories dites CSP+, donc cadres, professions intellectuelles, et auxquelles on peut ajouter les artisans, les chefs d'entreprise, eh bien, ce poids est au minimum de 40 à 50% de la population locale dans toutes ces communes, qui sont des communes qui sont contiguës à touche-touche, et donc ça crée un très vaste espace, un espèce d'écosystème, dans lequel une bonne partie des catégories favorisées de la région parisienne, et donc partant du pays, résident et peuvent, comme ce territoire est très vaste, fonctionner totalement en vase clos. Et sur une telle étendue, c'est quelque chose de remarquable. Bah, c'est totalement inédit, puisque ce qui, moi, m'a interpellé, m'a frappé, c'est la très forte augmentation de la proportion de cadres dans ces mêmes territoires. Hein, on pointe dans la note le fait qu'au début des années 80, on a 25% de cadres à Paris, on est maintenant à 50%, et donc ça change quand même beaucoup les choses. Donc non seulement une augmentation très forte de cette proportion, on est à des endroits où on a 15% des foyers fiscaux qui sont assujettis à l'ISF. Et puis l'autre phénomène qui géographiquement est très marquant, c'est l'étalement et l'étendue très vaste de ce territoire, encore une fois, plus de 40 km entre la partie centrale des Yvelines et puis les beaux quartiers de Paris. Et donc on peut avoir une espèce de grand terrain de jeu, terrain de vie, qui est totalement dédié à ces populations favorisées. Alors, je vous propose qu'on parte vers l'ouest, mais avant ça, c'est peut-être aussi aux géographes que je m'adresse. Il y a une spécificité ici, quand on va vers l'ouest, c'est que le périphérique qu'on est amené à traverser quand on part de Paris, ici, il est recouvert. Donc, il y a une continuité entre le 16e arrondissement et cette ville de Montainville qui se situe aux confins des Yvelines. Alors, effectivement, ce périphérique hein, qui constitue souvent une frontière quasiment naturelle sur les pourtours de Paris, et si elle n'est pas visible, cette frontière. Et donc, ça renforce encore le sentiment de continuité entre le cœur de Paris et puis tout un arrière-pays, si vous voulez, qui constitue les zones de résidence et de villégiature de toute une population de cadres dirigeants, hein, soit qu'ils travaillent sur Paris, soit qu'ils travaillent à la Défense, avec le siège de nombreuses multinationales. Eh bien, il faut se loger, et on se loge dans cette kyrielle de communes, hein, comme une constellation sur une quarantaine de kilomètres, avec un très fort pouvoir d'achat et un prix du mètre carré qui est très élevé. Et ces quartiers se caractérisent aussi par une très faible proportion de logements sociaux. Attention à la marche, on est sur mon vélo. Alors Jérôme Fourquet, on vient de parcourir à peu près 27 km depuis l'ouest parisien. Donc on était allé des fortifications dans le 16e arrondissement. Et nous voilà dans la ville de Fourqueux, 2103 foyers fiscaux et 22% de déclarants qui dépassent les 100 000 euros par an. Ici, on est plus riche que dans le 7e, le 8e et le 16e arrondissement de Paris. Et ce qui me frappe, c'est la discrétion. Personne ne connaît le nom de ces communes, Feucherolles, Fourqueux, Mareilles, qui sont pourtant les plus riches de France. Alors ici, ce qu'on constate, c'est que même si on est dans un cadre de vie très préservé et que nous sommes très proches encore de Paris et que c'est relativement bien desservi par le transport en commun, il y a un RER qui passe à proximité, on est quand même dans l'univers de la voiture. Donc ce mode de déplacement, combiné au fait que nous sommes encore une fois sur un vaste espace d'une quarantaine de kilomètres de long, fait que ces publics-là peuvent se déplacer dans l'espace et l'espace social sans jamais être confrontés à d'autres catégories que celles à laquelle elles appartiennent. Autre élément, si on est sur l'aspect géographique des choses, on constate qu'on est beaucoup sur de la maison individuelle ou des immeubles de quelques étages seulement, donc on n'a pas forcément on peut les voir autour de nous ici, hein, c'est des constructions relativement nouvelles dans un style qu'on pourrait appeler néo-villageois, avec des pavillons en meulière revisités, un centre-bourg très très bien entretenu. Tout ça est clôturé soit de hauts murs, soit de haies, et qui fait qu'on est très très cloisonnés les uns des autres, tout en étant du même monde. Ce qui renforce la sécession, ou en tout cas le déphasage et le découplage avec le reste de la population et de ce qui se passe dans le reste de la société. Alors Jérôme Fourquet, vous êtes politologue, vous êtes aussi sondeur. Je voudrais savoir si cette sécession qu'on évoque, elle est intégrée, comprise par les gens dont vous recueillez l'opinion. Alors écoutez, oui, tout à fait, parce que on parle de plus en plus de vivre ensemble hein, dans les discours officiels. Or, quand on interroge les Français, pour 90% d'entre eux, le vivre ensemble, c'est un idéal à atteindre, mais une formule un peu creuse aujourd'hui, puisque il y a un diagnostic qui est très largement partagé sur des groupes sociaux ou communautaires qui seraient de plus en plus séparés. On est déjà entré dans une société qui est très fortement morcelée. Parallèlement à ce phénomène, c'est le fait que les 10% de la population la plus aisée, les plus diplômés, soient souvent assez nettement en décalage ou dans un état de sidération ou d'incompréhension face à des réactions de l'opinion publique. Je prendrai juste un seul exemple, c'était l'état de stupéfaction quand la France a majoritairement voté à 55% pour le non au référendum de 2005, alors que la plupart des grands médias et leaders d'opinion avaient fait ardemment campagne pour le oui. Il y a une espèce de gueule de bois le lendemain. Moi, j'étais déjà en institut de sondage à l'époque et on avait vu venir la vague et nous étions surpris que les personnes à qui on l'expliquait soient elles-mêmes surprises de cette vague. On a une homogénéité d'opinion, hein, ici nous sommes à Fourqueux, c'est François Fillon, le candidat de la droite républicaine qui arrivait en tête, avec près de 44% des voix, contre un score national de 20% à peine. Hein, donc on voit bien l'ampleur du décalage. Et puis au deuxième tour, tout le monde s'est mis d'accord, si je puis dire, puisque Emmanuel Macron, dans cette commune de Fourqueux, a fait près de 90% des voix, alors qu'on rappelle qu'en moyenne nationale, il n'a fait que ce qui était déjà beaucoup, 64% des voix. Les conséquences sociales, peut-être on pourrait appeler ça des conséquences citoyennes, eh bien c'est le fait que la réalité, le vécu quotidien de très nombreux concitoyens échappe à l'entendement ou à l'attention de ce public qui, encore une fois, n'est pas un public lambda, c'est un public où on recrute beaucoup de cadres, des personnes qui vont travailler dans le secteur des médias, qui vont travailler dans l'entreprise privée, qui ont vocation à être ce qu'on appelle dans notre jargon un petit peu des leaders d'opinion. Et là, on a quand même une vraie difficulté démocratique à partir du moment où ces 10 leaders d'opinion sont de plus en plus coupés du reste de la population. Ce qui se déduit de tout cela aussi, c'est que la mixité sociale, bien évidemment, recule. Sur un territoire aussi vaste que celui des Yvelines, on a un bon résumé des fameuses fractures françaises, c'est-à-dire qu'à quelques kilomètres de Fourqueux, où 20% de la population gagne plus de 100 000 euros par mois, eh bien, on a les enclaves paupérisées de communes comme Trappes ou Mantes-la-Jolie. Et donc, sans que ce soit une espèce de guerre sociale, en fait, on le voit à l'échelle des Yvelines, chacun vit dans son couloir, chacun vit dans son silo, les uns à côté des autres, sans plus vraiment se côtoyer, se fréquenter. Ces dernières années, on a beaucoup avancé dans l'étude des mécanismes de la pauvreté. Et par ailleurs, on a mené aussi beaucoup de recherches sur le mode de vie des personnes ayant choisi de vivre de façon repliée sur elles-mêmes dans les quartiers les plus exclusifs, là où se concentre la richesse. Donc l'entre-soi des riches a été étudié. Et on n'a jamais véritablement étudié le rapport entre le phénomène lui-même de l'entre-soi des riches au regard du processus de disqualification sociale des plus pauvres. Serge Pogam est directeur d'études à l'École des hautes études en sciences sociales et directeur de recherche au CNRS. Il a consacré sa vie d'universitaire à la recherche sur la pauvreté. Mais dans son dernier ouvrage, « Ce que les riches pensent des pauvres », ce sont les riches qu'il a interrogés, en France, en Inde, et au Brésil. Donc la question était intellectuellement de relier ce mécanisme de l'entre-soi des riches à la disqualification, au rejet des pauvres. Est-ce qu'il y a un lien entre ces deux phénomènes qui correspondent à deux faits sociologiques? La ségrégation sociale s'est renforcée ces dernières années. Elle est due, on le sait, par toutes les études, à la concentration de plus en plus massive de la richesse dans certains espaces, dans certains territoires de la ville. Et à l'autre opposé, donc, un débat qui prend de l'ampleur depuis plusieurs années sur la question donc des quartiers dits sensibles et de la pauvreté qui s'y concentre. Les quartiers riches que nous avons, dans lesquels nous avons fait l'enquête dans la région parisienne, ne sont pas entourés de quartiers pauvres. Ils sont entourés de quartiers qui sont également riches, un peu moins riches, plus on s'éloigne, mais ils sont quand même protégés par un halo de quartiers plutôt aisés. La concentration de la pauvreté, elle est véritablement très très loin de ces quartiers. Alors que ce n'est pas tout à fait le cas déjà dans les métropoles comme Delhi ou de São Paulo. Parce que dans ces quartiers, il n'est pas impossible qu'à côté d'un condominium très riche, on puisse avoir un quartier pauvre, une favela, parfois même d'ailleurs, on voit que certaines tours de ces condominiums ont pour vue immédiate le quartier le plus défavorisé. Donc la proximité des pauvres, elle est immédiate. On ne peut pas échapper à la question de la pauvreté quand on vit dans une métropole comme São Paulo et Delhi. Alors que on peut tout à fait échapper à la pauvreté quand on vit au Vésinet, à la ville d'Avray, dans ces quartiers qui sont les plus exclusifs, on peut avoir effectivement plus de difficultés à voir la présence de ces pauvres, de ces populations qui souffrent et qui tendent la main pour qu'on les aide. En fait, si vous prenez des quartiers ou des villes comme la ville d'Avray, par exemple, vous voyez donc que c'est peut-être un havre de paix dans un cadre quasi idyllique. Il y a beaucoup de bois autour, etc. Et on a construit quand même une autoroute qui relie quasiment la ville d'Avray à la Défense. Et d'ailleurs qui est une autoroute payante et assez coûteuse d'ailleurs pour ceux qui la prennent tous les jours. Effectivement, c'est pas une autoroute pour les pauvres. Et on voit très bien que le fait d'avoir construit cette autoroute conduit finalement les résidents de la ville d'Avray, et ils sont d'ailleurs assez nombreux à aller régulièrement travailler à Paris, notamment pour certains à la Défense, si bien qu'ils prennent leur voiture de leur villa privilégiée, ils arrivent finalement dans leur tour, ils placent leur voiture dans le sous-sol, si bien qu'ils n'ont jamais vu de pauvres. Fourqueux, Feucherolles, Saint-Nom-la-Bretèche, Croissy-sur-Seine, Orgeval. Parmi les 20 villes les plus riches de France, 9 sont situées dans les Yvelines. Tout près de là, Chanteloup-les-Vignes. On est encore dans les Yvelines, mais c'est un autre monde. J'ai rendez-vous avec Catherine Arnoux, la maire d'hiver droite de la commune. Quand nous entrons dans son bureau, elle est furieuse. Emmanuel Macron vient d'écarter le plan banlieue sur lequel a planché Jean-Louis Borloo. Ville de Chanteloup-les-Vignes, qui était un petit village de 3000 habitants, qui est brusquement devenu une grande ville de 11 000 habitants. Et donc, vous imaginez, les 8 000 en plus, dans un quartier qui a été construit de toutes pièces et qui a accueilli un certain nombre d'habitants des banlieues, des bidonvilles de Poissy, entre autres, mais aussi des cadres. Et donc, cette banlieue a été construite au départ avec des gens qui étaient heureux de s'y retrouver. Et puis est arrivée les grandes vagues de chômage, et cette banlieue a été la banlieue du chômage et de la pauvreté. Avec ce site particulier, c'est que tous les gens qui étaient arrivés pratiquement au même âge. Tous leurs enfants avaient le même âge en même temps. Et tous les adolescents étaient adolescents et enfants de parents au chômage en même temps. Et c'est ce qui a expliqué les premières difficultés de Chanteloup, mais qui ont continué à être les difficultés de Chanteloup. Nous avons obtenu un grand projet de ville, puis un projet de rénovation urbaine, qui, même s'il ne fait pas tout, a changé quand même à la fois le regard des habitants sur eux-mêmes, le regard des habitants de l'extérieur sur les habitants de Chanteloup. Et donc cette ville, qui allait très très mal, donne le sentiment d'aller un peu mieux. La ville est plus belle, la ville est reconnue, son image change un peu. Et dans ce regard un peu idyllique, on a au cœur de notre cité une population qui est plus précaire, une population qui est plus pauvre, une population qui est plus éloignée de toutes les formes de république, l'éducation, notre culture, le sport et de la langue française. Est-ce que vous pouvez chiffrer ces éléments-là ? Alors, il y a 36,5% des habitants qui vivent en dessous du seuil de pauvreté. Des 5 500 ou 6 000 qui habitent encore dans le logement social. Donc le chiffrage est assez facile. Il y a 75% des gens qui sont étrangers. Pas d'origine étrangère, qui sont étrangers. Le revenu moyen par habitant est de 1100 euros. Alors que la moyenne dans le secteur, dans l'Île-de-France, est 1800 à 2000. C'est à la fois une grande précarité, une grande pauvreté, et il y a un taux de chômage dans la cité, dans les moins de 26 ans, qui frise le 50%. Dans ma ville, il y a 50% des habitants qui ont moins de 24 ans. Et paradoxalement, il y a 25% qui ont plus de 75. Qu'est-ce que ça implique dans votre charge de maire d'être dans une ville où la pauvreté est si développée ? Mais ça donne par exemple 49 centimes le ticket de cantine, et le repas me coûte 8,60 euros, c'est ça. C'est-à-dire une solidarité qui est une solidarité locale. Mais quand il y a 50% des habitants qui sont solidaires de 50% et que ces 50%-là, pour vous donner une idée, le revenu moyen par habitant de la ville de Chanteloup, c'est 1400 et de la cité, c'est 1100, c'est-à-dire que c'est des pauvres qui sont solidaires de très pauvres. Concrètement, alors les finances d'une ville où les pauvres aident les très pauvres, comment vous faites ? Où est-ce qu'on va chercher l'argent ? Comment on fait ? Alors c'est une galère absolue. Comment on fait? Mais on passe 2 mois à essayer de trouver, à faire un budget en se disant qu'est-ce qu'on supprime, qu'est-ce qu'on supprime, qu'est-ce qu'on supprime. Et on supprime pas le luxe. Le luxe, il n'existe pas chez nous. Il y a belle lurette qu'on continue à enlever la peau sur les os. On y va, mais vous n'imaginez pas. Sur un budget de 17 millions, nous y allons 500 euros par 500 euros pour arriver à trouver quel est le plus juste, quel est le moins injuste, parce que ça se pose plutôt comme ça. Qu'est-ce qui va servir le plus ? Ça, c'est du symbolique, est-ce que c'est quand même important ? Ça va toucher tant de personnes dans la population, donc est-ce qu'il faut qu'on le garde ? Et comment on aide ce projet culturel ? Parce que c'est de la culture qui peut sembler un luxe aux autres, que naîtra un regard différent et une équité de territoire. Mais l'idée de dire, il faut quand même essayer d'apporter à nos populations ce à quoi elles ont droit, c'est-à-dire la même chose qu'une population normale de France, ben ça oblige à faire des choix qui sont extrêmement cornéliens, mais je peux vous assurer que c'est à la fois difficile et désespérant, parce que évidemment je fais des renoncements. T'as pourtant un peu de sucre, hein ? Oui, il n'y a pas de gobelet, c'est dommage. Il n'y a pas de sucre, il n'y a rien. Oh, tu es gentil. Ah, ben voilà ! On va pouvoir offrir le café. Les collectivités sont en première ligne pour assurer les missions de service public. Mais avec la baisse constante des dotations de l'État, la suppression de la taxe d'habitation et celle des emplois aidés, les communes doivent faire plus avec moins. C'est chaud, attention. Hein. Nous arrivons dans les locaux du centre social Grain de Soleil, dont les activités sont particulièrement menacées par la disparition des emplois aidés. Merci beaucoup, François. Tu vois, c'est agréable, là, voilà, on a le café, on a la sympathie, on a les gens. T'en penses quoi, toi, Guy? Et vous, monsieur, alors? Oui. Vous venez souvent ici? Ah, tous les jours. Ça fait des années qu'il est là. Tous les jours. J'ai travaillé ici il y a quelques années, donc je connais bien la maison, qui est indispensable pour la ville de Chanteloup. Pourquoi ? Parce que Grain de Soleil, c'est convivial, c'est accueillant, les gens viennent boire du café, ils viennent discuter. S'il n'y avait pas Grain de Soleil, c'est la misère. Ah oui. Parce qu'il faut savoir qu'à Chanteloup, c'est pauvre. Hein. Donc il y en a qui n'ont pas d'argent pour se payer un café, par exemple. Et ils sont bien contents de le trouver là. C'est gratuit, ouais. Vous, ce serait votre cas, Guy, ce serait compliqué d'aller boire un café si vous n'aviez pas là. Ah bah oui, d'ailleurs, c'est plus cher et pas si bon que ça. Tandis que là, c'est gratuit. Ouais, c'est pas facile. C'est pas facile du tout. Vous avez un petit accent. Moi, je suis marseillais. Je suis marseillais, j'ai atterri ici parce que j'étais militaire. Et les appartements, bon, c'est pas facile à trouver. Donc l'armée m'a logé ici, là, et puis je suis resté là, quoi. Hein. J'ai atterri au Camp des Loges, je sais pas si vous connaissez, à Saint-Germain. Après, ben, j'ai habité à Chanteloup, et ça fait 41 ans que j'habite Chanteloup. Donc voilà, je me suis habitué. Avec mon ami Guy, bah, hein, ouais. Voilà. C'est une ville accueillante, hein, Chanteloup. Mais bon, qu'est-ce que vous voulez après, hein, bon. Vous savez, ça, au départ, c'était pour les gens qui travaillaient à Talbot. Hein. Il y avait beaucoup de gens qui avaient besoin de se loger, donc ils ont construit. Il fallait se loger. Mais après, bon, ça n'a rien à voir avec Saint-Germain, Fachereau, Chambourcy. Il y a la thune en pagaille. La taxe d'habitation, je ne sais pas combien ça coûte. Les poubelles, ils passent deux fois par jour. C'est bourgeois, Faucherolles, c'est des villes bourgeoises, c'est des villes très riches, ça. Mais oui, on ne peut pas comparer, hein, on ne peut pas du tout comparer. Hein, c'est la deux chevaux et la Rolls Royce, vous voyez. Et dis-moi, Fanta, il n'y a pas des gobelets? Parce qu'il n'y en a plus, là. Mais non, bon, ben. Moi, je vois, il y a 50 ans. On trouvait du boulot facilement. Le vendredi, vous disiez au revoir à votre patron. Le lundi matin, vous avez un boulot. Mais ben non, vous savez, si vous perdez votre boulot, c'est pas évident de retrouver un boulot. Hein. Bon, et puis, il y a quand même beaucoup de gens qui sont... bon, c'est pas pour dire du mal, mais ils sont assez moyens, quoi. Limités intellectuellement, ici. Il faut le reconnaître, aussi. Un défaut d'éducation? Non, ben disons la pauvreté. Hein. Vous avez beaucoup de maghrébins qui... Des veuves qui savaient pas lire. Moi, j'ai fait la classe ici pendant 5 ans. Bon, mais on leur apprenait doucement le français. Mais c'est pas évident qu'on a... Vous savez, quand une femme se retrouve veuve, que c'est le mari qui faisait tout, bah, du jour au lendemain, hein, c'est pas évident d'affronter la vie. Hein. C'est pas facile. Hein. Et pourquoi vous venez aujourd'hui alors dans ce... Ah ben, moi, je viens ici boire mon café, matin et soir. Et puis je rencontre Guy, je rencontre des gens, on discute, on passe le temps. Vous savez, un café, vous allez au bistrot, c'est 1,50€. Si vous en voulez deux par jour, c'est 3€. Et plus vous jouez un petit jeu, vous faites vite fait 5-6€ tous les jours. Bah, à la fin du mois, ça fait une somme. Malheureusement, la société actuelle fait pas de cadeaux. Hein. Moi, je comprends pas, le président Macron, c'est un super mec sur le plan international. Mais au niveau social, c'est triple zéro. C'est dommage. Parce que la misère, quand on voit la misère qu'il y a en France, vous savez, il y a des mamies, elles ont 450€ pour vivre de retraite. 450€. Alors s'il faut payer le loyer, il ne reste pas grand-chose. Hein. C'est pas évident. Hein. C'est pas évident. Madame, un petit café? Il y a du sucre, il y a les bâtons. Vous évoquez un territoire où le tissu associatif joue un rôle important. Quelles conséquences ont eu les coupes claires de l'été dernier, notamment sur les finances de ces structures et par conséquent sur le vivre ensemble dans une commune comme Chanteloup? Alors, ça a supprimé des actions et fragilisé des associations. Ça a supprimé des actions de vraie solidarité, par exemple la laverie solidaire. Ça a supprimé des accompagnements dans l'association culturelle. Ça a fragilisé beaucoup d'associations sportives. Tous les contrats aidés se terminent là, avant la fin juin. Donc les coups sur la tête, on les prend au fur et à mesure. Et les associations sportives sont en train actuellement, par exemple, de ne pas pouvoir de solution pour la rentrée prochaine. C'est pas le bénévolat qui peut tout faire. Ça peut pas être un salaire de niveau SMIC. C'est pas possible pour une association. Sinon, ça augmente les cotisations telles que tout le monde fuit. Le centre social est en grande fragilité parce qu'effectivement, il s'appuyait aussi sur des contrats aidés. Et puis, je rajouterai à ça que c'est une catastrophe pour les gens qui avaient ces contrats aidés. On a des gens qui sont très, très, très éloignés de l'emploi, qui sont pour la plupart bénéficiaires du RSA, donc très éloignés depuis longtemps, qu'on remet en employabilité. Et quand on a un contrat dans un milieu associatif et qu'on fréquente plein de gens, et du coup, qu'on rend service à des gens, vous n'imaginez pas, ça ramène aussi un souffle à ces gens. Et ça, dans les associations, c'était évident, hein, qu'il y avait des gens qui faisaient beaucoup plus que leurs horaires, par exemple. C'était pas le sujet pour eux. Ils avaient de nouveau une position sociale et un accompagnement. Et c'était eux qui accompagnaient, alors qu'avant, on les accompagnait. Ça a changé des mentalités. C'est aussi comme ça, grâce à ce changement de mentalité, qu'on arrivait à les remettre à l'emploi. Est-ce que vous avez le sentiment qu'il y a une vraie volonté politique de venir à bout de la pauvreté dans un territoire comme Chanteloup? Pas du tout. Ah non, pas du tout. Non, c'est pas un projet, c'est pas une volonté. Non. Ce qui est dommage, c'est que j'ai peur que ça ne devienne une volonté que si ça devient un vrai problème. Et ça me rejette sur le côté les 95% de gens qui se battent pour eux, pour leurs enfants et qui galèrent. Voilà, c'est tout. Mais qui sont des gens bien, hein. On peut galérer et être bien. Saint-Germain-en-Laye. Imaginez une ville proche de Paris à l'orée d'une vaste forêt domaniale. Une ville moderne, labellisée à la fois ville nature et ville internet. Une cité ancrée dans l'histoire de France, mais riche de son lycée international et de ses nombreux expatriés. Une commune où vos enfants trouvent tout ce qu'il leur faut, du berceau aux grandes écoles. Un territoire qui vous fait passer des grandes tours de la Défense au marché Bigarré et aux petites boutiques du cœur de ville. Prenons le temps de découvrir le charme envoûtant de Saint-Germain-en-Laye. ans après sa création, le lycée international de Saint-Germain-en-Laye bénéficie actuellement d'une réhabilitation complète. Cette réhabilitation est essentielle pour la vie quotidienne de l'établissement parce que tout simplement nous étions très à l'étroit dans nos locaux. Donc il nous fallait absolument des bâtiments supplémentaires et des salles de classe supplémentaires. C'est ce que va nous amener ce projet de rénovation et d'extension puisqu'on va avoir une vingtaine de salles supplémentaires. Porté par le conseil départemental des Yvelines, ce projet de 73 millions d'euros contribuera assurément à accroître l'attractivité de la France pour les expatriés, notamment en période de Brexit. Si on veut pouvoir attirer en France des talents, il faut pouvoir proposer à ces talents étrangers une filière d'excellence. C'est le cas de ce lycée international où on apprend la culture française pendant que les parents participent à l'enrichissement de la France. Ce lycée d'exception est le meilleur établissement du département, le 9e au niveau national. Implanté sur 7 hectares articulés autour du château d'Ennemont, il accueille 2300 élèves et des travaux viennent de démarrer, pour un montant de 73 millions d'euros. L'idée n'est pas d'accueillir davantage d'élèves, mais de mieux accueillir ceux qui y ont déjà accès. C'est là que Jérôme Fourquet nous retrouve. Quand nous étions à Fourqueux tout à l'heure, on a vu que sur les panneaux des agences, les vitrines des agences immobilières, beaucoup de biens étaient signalés comme étant à proximité immédiate du lycée international de Saint-Germain-en-Laye. Donc c'est un élément d'attractivité tout à fait décisif pour la population, les publics qui viennent s'installer ou qui résident ici. Dans ce cadre-là, l'offre éducative et de lycée de haut niveau est prioritaire, hein, parce que là on touche sur un point sensible. En France comme ailleurs, classe dirigeante, eh bien, elle est très attentive à les conditions d'enseignement qu'elle peut offrir à sa progéniture, et notamment la capacité d'ouverture internationale. Donc le lycée international de Saint-Germain-en-Laye, à tout point de vue, il est totalement emblématique. D'ailleurs, quelque part, si on voulait être un petit peu provocateur, on pourrait dire que un cadre sup de Saint-Germain-en-Laye, il a plus en partage avec un collègue à lui qui va exercer à Toronto ou à Francfort qu'avec un membre des classes moyennes ou populaires qui va habiter dans une commune des Yvelines, par exemple Mantes ou Trappes, qui est pourtant géographiquement beaucoup plus proche. Quand on travaille dans ces quartiers exclusifs, on se rend compte que les personnes commencent par parler de leur quartier comme un quartier où l'on est entre des personnes distinguées qui peuvent se juger par leur distinction sociale et leurs études, leur manière d'être, leur culture, comme supérieures moralement aux autres couches de la population. C'est une conviction qui est vraiment solidement intégrés, ancrés, quand on les interroge. On peut parler de sécession au sens où il y a là, dans ces quartiers, un souhait finalement de décrire le quartier comme un territoire dans lequel les pauvres n'ont pas leur place. Un territoire où il fait bon vivre parce que justement on est entre soi. On est entre des personnes qui ont des pratiques qui sont jugées conformes à ce que l'on souhaite dans l'ordre moral qui se dessine ainsi à travers les relations entre les habitants. Il n'y a pas de mur, mais il y a une frontière qu'on pourrait appeler une frontière morale. C'est la frontière qui distingue véritablement ceux qui sont à l'intérieur, qui sont acceptés comme membres d'une communauté, et tous les autres qui peuvent être menaçantes. Et il n'est pas de bon ton donc qu'il y ait des étrangers qui se promènent dans ces quartiers. Ils n'ont rien à y faire, c'est pas leur place. Et donc on pourrait dire qu'il y a là une peur aussi de la contamination que pourraient apporter ces personnes venues d'ailleurs. Alors ça peut être aussi des enfants ou des adolescents qui viennent d'autres quartiers et qui pourraient perturber l'éducation morale que l'on veut donner à ses propres enfants. Donc on voudrait les protéger de ces contacts que l'on juge mauvais pour leur bien-être et leur éducation globale. Mais c'est passionnant cette histoire de frontière morale, parce que ça dépasse ce qui est habituellement à l'œuvre pour décrire les phénomènes de discrimination. Je pense par exemple à la méritocratie, c'est-à-dire je vis ici dans un quartier exclusif parce que quelque part je le mérite. Alors, la méritocratie fait partie du discours. Les personnes que nous avons interviewées, aussi bien dans le 5e, dans le 16e, ou dans la ville d'Avray ou au Vésinet, sont sensibles au libéralisme, au sens économique, et donc épousent généralement les valeurs qui sont conformes à l'esprit néolibéral du temps, avec l'idée que chaque individu doit se prendre en charge. Toute cette idéologie, elle est quand même présente, elle ressort. On justifie la pauvreté par cette idéologie du mérite. D'une certaine manière, on va dire que les pauvres n'ont qu'à se prendre en charge eux-mêmes. D'ailleurs, il y a toujours des exemples de personnes qui ont réussi dans la vie parce qu'ils ont travaillé, parce qu'elles ont été courageuses, qu'elles ont pris des risques. Et donc, ces exemples sont mis en avant pour montrer, vous voyez bien, que cela tient essentiellement au courage, et ceux qui n'y arrivent pas sont probablement moins courageuses, plus paresseuse. On voit très très bien qu'il y a là une tendance à minimiser ce qui relève des inégalités les plus manifestes. Ça fait partie d'un processus qui me semble vraiment tout à fait intéressant à observer. C'est que quand on est très très riche, on a besoin presque naturellement de justifier que ce que l'on a n'est que justice finalement. Donc c'est un ordre social qui est parfaitement justifié de cette façon. Cette année, nous sommes allés avec les élèves de cinéma, nous sommes allés à Paris, en autocar, à la FEMIS. L'école de cinéma. Oui. J'avais l'impression d'emmener mes élèves dans les rues de Paris, nous avions un peu de temps, comme des touristes, si j'avais des touristes chinois avec moi. Voilà, c'était vraiment incroyable. Ils ne connaissaient pas Paris du tout, ils ne connaissaient pas le Sacré-Cœur, ils ne connaissaient pas Montmartre. Ça leur disait strictement rien. Ils découvraient ça avec de grands yeux, étonnés. Une autre anecdote à ce sujet, mes élèves l'année dernière de cinéma sont allés à Marly-le-Roi pour passer leurs épreuves. Et elles sont rentrées dépitées, déboussolées. Elles m'ont dit qu'il n'y avait pas d'arabes, pas de noirs, que les lycéens qu'elles ont rencontrés étaient habillés différemment, qu'ils s'exprimaient différemment. Elles se sont senties vraiment autres. Autre. Ça a été pour eux un choc. Didier Lemaire enseigne la philosophie à Trappes, au lycée de la Plaine de Naufle. Il nous a donné rendez-vous sur un parking, où il arrive en voiture. Il n'habite pas très loin, mais de chez lui, il est plus facile de se rendre à Paris, en transport en commun, que sur son lieu de travail. Ici, un habitant sur quatre vit sous le seuil de pauvreté. Moi, je suis enseignant ici depuis 2003. Alors, le lieu a terriblement changé. Là, nous sommes sur un très beau parking, un très très beau parking. Hein. Vous voyez, il y a des arbres, c'est planté, c'est aménagé, les places sont correctement dessinées. Et puis, ce que nous entendons, là, ce sont les constructions, les maisons d'habitation, alors des petites maisons individuelles, des logements collectifs avec de beaux balcons qui sont rutilants et qui sont magnifiques. C'est vrai, c'est pas des grandes tours, c'est assez beau. Le mobilier urbain, comme vous le voyez, est vraiment superbe. Hein. Les trottoirs sont extrêmement bien entretenus. Et donc cette pauvreté, qui est réelle, elle est effective, cette pauvreté, elle est cachée. Elle est cachée par un décor, en fait, qui correspond aussi à une politique de la ville, hein, bien entendu. Mais elle est cachée pour donner l'impression qu'elle n'existe pas. Cette pauvreté économique, il faudrait, elle n'est pas facile à définir du tout. Elle n'est pas facile. Moi, tous mes élèves ont des smartphones avec un abonnement Internet et ils passent continuellement leur temps dessus, sur les réseaux sociaux, à regarder des vidéos, etc. Ce qui leur donne une illusion d'être riches puisque finalement, ils consomment des signes en permanence de jouissance. Hein. Le spectacle de la richesse se substitue à la richesse réelle et donne l'illusion finalement d'être riche. Il y a aussi une autre pauvreté et cette pauvreté c'est la pauvreté culturelle, la pauvreté de la langue, la pauvreté dans les manières d'être, la pauvreté par exemple de l'attention, de la mémoire, de la connaissance, du désir ou de la curiosité. Et par exemple, dans une classe, il y a quelques jours, j'essayais d'expliquer à mes élèves ce qu'était une métaphore. Je leur donne un exemple et je leur dis « j'arrive à l'automne de ma vie ». Et là, je vois les élèves me regarder avec étonnement, ils ne comprennent pas. Alors je dis « bah l'automne, vous comprenez ?» Et là, grand silence dans la classe, les élèves sont interloqués, personne ne me répond. Et au bout d'une poignée de secondes, une élève finalement lève la main et me dit « Monsieur, je crois que c'est une saison ». Aucun élève n'a été capable de me dire que l'automne succédait à l'été. Ça, c'est terrible parce que c'est que le rapport même au monde est devenu totalement appauvri. Si je ne sais pas ce qu'est l'automne, ça veut dire que je n'ai pas de relation au temps dans mon existence, dans ma vie. C'est terrible. Où est-ce que vous habitez ? Alors, j'habite à Montfort-l'Amaurie. Montfort-l'Amaurie, dans les Yvelines, donc en bordure de Rambouillet, un village chic. C'est un autre monde. Il y a beaucoup de personnes du showbiz qui habitent, des gens très riches. C'est un petit village classé, 3000 habitants, 9 banques, Trappes 30 000 habitants, 6 banques. Deux mondes qui n'ont rien à voir. Alors chaque matin, je prends ma voiture, je pars de ma petite maison qui se trouve sur une belle propriété d'un hectare. Je prends des petites routes de campagne, j'évite la nationale qui maintenant est saturée dès le matin. Je prends les petites routes de campagne, je fais un trajet absolument merveilleux. Et puis j'arrive ici assez brutalement finalement, à partir du bas d'Élancourt. Le monde soudainement change. Alors entre les deux, on va avoir des zones un peu pavillonnaires qui vont être intermédiaires. Et j'arrive ici et c'est plus du tout le même monde. Ce sont des unités d'habitation, je dirais, qui sont essentiellement fonctionnelles. Il n'y a pas la dimension du temps. Il n'y a pas le passé, les bâtiments se dégradent mais ils ne vieillissent pas. Il n'y a pas de possibilité d'une expérience, je dirais, poétique ou sensible à l'espace. Voilà. Et c'est ça qui me frappe. Coucou. Ça va bien ? Bonjour. Oui, ça va ? Ça va ? Bonjour. Bonjour. Ça va ? Bonjour, Rabia. Ça va ? Rémi. Rémi, enchanté. Ouais, Rémi. Alors, moi, c'est Rabia. Bonjour. Carole. Assistante sociale. Du lycée. Et puis Carole. Carole qui nous accueille toujours avec le sourire le matin. Voilà, ça y est, c'est le week-end bonjour. Qui commence. Ouais, oui, oui, c'est le week-end qui commence. On va aller acheter un peu de fruits. On va acheter un peu de fruits. Ben, oui. Le marché, il est ouvert, là oui. Le marché, oui, bah, aujourd'hui, non, vendredi. On est vendredi, oui. C'est le mercredi, le vendredi et le samedi. Le marché, on peut y aller à pied à partir d'ici Oui, c'est pas loin. Oui, on a qu'à y aller. On est sur le marché de Trappes. Alors là, les prix, c'est top. C'est des prix vraiment très, très, très bas. C'est toujours des lots, aussi bien pour les vêtements que pour les ustensiles de cuisine, 1 euro, 2 euros partout. La difficulté de sortir en fait de Trappes, ah ouais, c'est très difficile. Ah ouais, en fait, c'était pour tout le monde, ça. Hein. Je ne pense pas que ça soit que pour les vrai. Gens de Trappes. Hein. C'est vrai. Vous travaillez sur ce marché, monsieur ? Oui, oui. Je suis un vendeur de tapis. Voilà. Donc, depuis X années, ma famille, on vend des tapis. On est trappistes depuis des années. Donc, voilà, on voit un peu ce qui se passe à l'intérieur du marché, ce qui se crée, ce que la vie, quoi. Enfin, voilà, vraiment, on sent que ce que vraiment, Macron parle de la cordée. Là, on tire sur le bas de la cordée. On se dit, tiens, on va tirer. On va voir jusqu'où on peut tirer le bas de la cordée. Le haut, on n'a pas besoin de tirer puisqu'ils ont déjà tout. On veut vous rendre plus pauvre. On veut que vous soyez ghettoisé. On veut que vous viviez à l'américaine. Pauvre avec les pauvres, vous restez pauvre. On ne veut pas que vous sortiez la tête de l'eau. Et là, on fait croire à tout le monde que Trappes, ça devient une ville classe moyenne. C'est pas vrai. C'est une façade, ça. On fait des beaux immeubles, on fait une architecture magnifique. Tout ça, c'est façade. Mais quand vous cherchez au fond, vous vous rendez compte que les gens sont de plus en plus pauvres, ont de plus en plus de mal à se nourrir, ont de plus en plus de mal à aller en contact de l'autre. Voilà, et à part le marché, quel est le lien social dans cette ville ? Aucun. Je ne sais pas comment l'expliquer, mais c'est très compliqué, la pauvreté, c'est pas quelque chose... C'est un mot qu'on utilise à tout va, mais on ne comprend pas le sens de ce mot-là, jusqu'à ce que ça explose, jusqu'à ce qu'on se rende compte que les populations deviennent violentes, jusqu'à ce qu'on trouve des morts, c'est ça la pauvreté. On n'en est pas loin, c'est pas qu'à Trappes. Hein. Trappes, c'est révélateur, mais 30 000 habitants ne révèlent pas comment la France fonctionne, mais on s'aperçoit... Trappes, les bureaux, vous allez à Mantes. Vous voyez, de toute façon, les marchés, ça indique aussi la température. Macron fait croire que c'est l'économie qui fait vivre une ville. Non, ça fait vivre une certaine tranche de la population. Les autres, on ne les voit plus, on les cache. Les pauvres ne s'expriment pas, ils n'ont pas le temps, de toute façon. Moi, je suis inquiet, donc c'est pour ça, je suis inquiet pour les enfants, je suis inquiet pour tout le monde. En ce moment, vraiment, je me demande ce qui va se passer, là. J'avais jamais vu ça. Là, je vois vraiment des gens qui ont faim. Les gens parlent de la Syrie, ils parlent de l'Afrique, etc. Mais vivre dans la cinquième puissance du monde et voir des gens crever la dalle, là, c'est la première fois que je vois ça. C'est vraiment, vraiment voir des gens qui ont faim, j'avais jamais vu. Des enfants malades et tout, j'avais jamais vu. En France, j'avais jamais vu. Vous voyez ça autour de vous? Oui, on voit ça autour de nous. Enfin, voyez au marché. Enfin, venez tôt le matin, venez le samedi, venez voir. Vous allez voir des gens qui font la manche. Enfin, j'ai jamais vu autant de gens faire la manche. Là, il est 13h. Vous avez vendu combien de tapis? Et en d'autres termes, vous avez gagné combien ce matin? Rien. 20 euros. Rien. 20 euros, vraiment, que j'avais dans ma voiture, je les ai. 20 euros. Il n'y a rien. Il n'y a rien en ce moment. C'est vraiment... Bon, après, le tapis, c'est assez spécial. Pourtant, j'ai des tapis à 1 euro. Vous voyez, quelqu'un qui touche le RSA, qui vous prend quelque chose à 10 euros, qui vous dit dans un, je vous paye 5 euros là, que je vous paye 5 euros le mois prochain, vous voyez, c'était jamais arrivé auparavant. Là, on sent que là, vraiment, on est entré dans un nouveau système. Et donc, vous, ce matin, vous avez gagné 20 euros. Donc, on imagine que le camion là qui est ici, c'est à vous. Ouais, il faut mettre du gasoil dedans. Là, vous gagnez combien par mois? Là, je suis à 300 euros. J'ai calculé 300 euros tous les frais. Hein. Franchement, que j'arrive à en tirer 300 euros et. Et encore, faut nourrir mon fils, faut nourrir ma femme. On n'arrive pas à gérer le loyer. Enfin, ça devient un peu compliqué là. C'est vraiment, on n'arrive pas. On utilise des crédits pour que les gens. Enfin, des crédits, c'est des avances que les fournisseurs font. Heureusement, nous, ça fait longtemps qu'on nous connaît, mais on sent de plus en plus que, voilà, moi, avant, je vivais, on vivait quoi de notre commerce. On faisait comme vous. On allait se balader, on sortait, etc. Là, on se dit, faut pas que je me fasse expulser de chez moi. C'est l'objectif premier. Il faut que mon fils il soit nourri et qu'on soit pas expulsé. Il y a pire que moi, hein. Donc il ne faut pas non plus se lamenter sur son sort. Moi, je travaille. Et moi, je pense à ceux qui ne travaillent pas. Pour gagner ce montant-là, vous travaillez tout le temps? Tout le temps, oui. 5 jours sur 7, 6 jours sur 7. Matin, 5h du matin jusqu'au soir, 23h. Je ne sais pas quel est l'objectif de l'État actuellement sur ces villes, mais ce n'est pas un bon objectif. En tout cas, à part dire les plans banlieue, on n'en fait pas, on s'attaque à la drogue. Mais les villes, ce n'est pas que de la drogue. C'est 99% de gens qui travaillent. C'est qu'on a tendance à focaliser sur une minorité. Sur cette minorité, on fait un effet loupe et on laisse tous les autres crever. Sauf qu'un jour, c'est tous les autres qui vont se soulever. Et ça sera trop tard à ce moment-là. Avant, il y avait des soupapes, il y avait des amortisseurs. Les amortisseurs, on nous a dit pendant la crise, il y avait des amortisseurs sociaux, le RSA, etc. Oui, d'accord, ces amortisseurs sociaux. Mais vous êtes en train de les enlever, les amortisseurs. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a un trou en dessous. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire, les gens? Au lieu de tomber dans le trou, ils vont se dire, bah attends, on va aller se rattraper sur les autres. Et puis, c'est comme ça que la violence naît. Hein. Et à partir de ce moment-là, on va agresser les gens, on va sortir un peu de ce territoire, parce qu'il n'y a plus rien dans ce territoire, on va aller vers un autre territoire, et on va chercher qui? On va chercher ceux qui ont un peu. Vous voyez? Et puis au fur et à mesure, aller à Versailles. Vous voyez, avant, jamais je voyais des mecs de trappe à galérer à Versailles. On y va parce qu'il y a quelque chose. Marly-le-Roi, toutes ces villes-là, et au fur et à mesure, et après, à un moment donné, quand vous n'arrivez plus à contenir, ça explose. Et moi, je vous dis, c'est une bombe à retardement ce qu'est en train de créer Macron. C'est ce truc de cordée que je supporte plus. Il m'a traumatisé, son truc de corde. Là, il a raconté son truc de corde. Je me suis dit, quand elle va péter cette corde, on va bien rigoler, mon gars. Non, mais c'est vrai. Il décrit l'être humain comme une cordée. Faut arrêter. Les populations, c'est pas des cordées. C'est pas en haut la cordée, le bas de la cordée. Non, il y a des populations qui sont en difficulté. Comment faire que tout le monde se rapproche pour se soutenir les uns les autres? C'est pas... Voilà. Bon, je vous aurais un peu embêté. J'avais besoin de m'exprimer. Niché dans rien, à qui va le chien? La rue me va comme à faux pas. Comment faudra le lendemain se dire tiens, il en faudra. Des bouts de rien jusqu'au matin qui nous ira rue des Iras. Merci à Jérôme Fourquet, politologue, Serge Pogam, sociologue, Catherine Arnoux, maire de Chanteloup-les-Vignes. Merci aussi à Kader, vendeur de tapis sur le marché de Trappes, et à Didier Lemaire, professeur de philosophie dans la même ville. Prise de son, Frédéric Kérou et Fabien Gosset. Mixage, Lydwin Caron. Des bouts de main qui désira. C'était la série documentaire coordonnée par Perrine Carvan, accompagnée de Marie-Vonne Abolivier. La rue s'en va voir au-delà. Vivre à l'écart des riches, un documentaire de Rémi Dubovski-Douat, réalisé par Véronique Samouilov.